En manque de rêve, toujours le fond, la forme. Quand internet se trompe, j'emmerde la dépression, car j'assume d'être un éternel second. Je regarde passer les secondes, les peines et les douleurs de ce monde. Vu que le temps c'est de l'argent, je me dis que je dois avoir un problème de montre. On tourne en rond à s'en taper la tête contre les amplis. Les bons à peur crèvent, les mauvais vivront jusqu'à 100 piges. Dans nos crânes, des tonnes de rimes s'empilent et tout ça s'enfuit. Les salles sont vides, mais le manque de fric ne fera pas de nous des gens tristes. Écoute le récit, 13 ans pleura, on est des lyricistes. Tu fais du rap de rue, on fait du mille biscuit. Tout en la ligne de mire, ça se finira comme JF Kennedy. Le but c'est de réduire nos chances que l'on crève ici. Que l'on crève ici. Raise your glass and feel the rocking. All night long you keep this music in your mind. You can't escape this. Limp Bizkit, this power all on me. Prends une vie de rockstar, enfant c'est moche, y'a trop de taxes. Il tire sur la corde, c'est plus une carotte, c'est le rockstar. Mes zombies ont la forme et le fond, et ça donne ça. On coupe ta gorge, on est raccord, les rendeurs c'est la bonne marque. On ne veut pas être des codes bas, trouve-moi dans tes cauchemars. Sous vodka, en costa, en train de sourire ta bonne femme. L'État nous parle de quota, le rap nous a fait trop de mal. Le chômage en hausse, qu'un profit pousse à produire haute barre. Changer le monde c'est trop tard, col des monts sème l'orage. Sans des qu'on fait de bonne, on me rendait compte qu'à l'au-delà. Les rôdeurs, le temps est sombre et mauvais. Le chant des ombres résonne, juste dans des contrées sauvages. Raise your glass.